Voici votre bulletin régional. Anne Bergeron me signale que certaines de ses toiles feront partie de l'exposition qui se tiendra tout l'été à la Galerie d'art de Dodwell, 900 rue du Lac, secteur Marbleton, pour laquelle le vernissage aura lieu le 28 juin de 11 à 13 heures pour le brunch. Information à 819-560-8474 ou par courriel à atcd@hsfq.ca.